pas vraiment que les gens soient méchants. Faut-il vous les montrer amoureux? On n'entend même plus parler d'argent. Ils sont gentils et généreux. Regardez donc passer cet enfant qui se balade tout joyeux. Quand son Lego deviendra plus grand, lui deviendra certainement moins heureux. Moi je dis que le monde est malade, qu'il conviendrait de s'aimer un moment, que l'avenir est plus sombre qu'un champ de bataille, que le passé nourrit mal le présent. Vois où est ton enfant. C'est des hommes qui hurlent à la mort, des fusils qui chassent des gens qui ne sont pas d'accord, et puis d'autres qui n'ont pas compris que le vrai bonheur, ça n'est pas le leur. C'est pas vraiment les choses auxquelles tu penses, mais du temps de côté, il te faudra bien y songer. Aujourd'hui c'est plutôt bien, tu es pris dans la danse, mais quand le disque va s'arrêter, moi je dis que le monde est malade, qu'il conviendrait de s'aimer un moment, que l'avenir est plus sombre qu'un champ de bataille, que le passé nourrit mal le présent. Vois où est ton enfant. Et je rêverais à ces grands arbres qui nous dépassent, de tant de siècles et de sagesse qui ont fait face à tant d'inconscience. Et je penserais à ces enfants qui n'ont pas vécu. Peut-être étaient-ils trop bons, peut-être qu'ils n'ont pas voulu la ressemblance.